Averroès et l'avéroïsme. Doctrine d'Averroès. Essai historique d'Ernest Renan. Édition Lévy Frères 1866. Markem d'anarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Antécédent de la doctrine d'Ibn Rushd. Les philosophes arabes. Avoir le nom d'Averroès revenir sans cesse dans l'histoire de la philosophie, on serait porté à l'envisager comme un de ces grands fondateurs de systèmes qui ont rallié autour d'une doctrine originale une longue famille de penseurs. Or, une connaissance plus étendue de la philosophie arabe amène à ce résultat, en apparence singulier, que le système désigné au Moyen Âge et à la Renaissance sous le nom d'Averroïsme, n'est que l'ensemble des doctrines communes aux péripatéticiens arabes, et que cette désignation renferme une sorte de contresens, à peu près comme si on désignait du nom de thomistianisme ou de simplicianisme, l'ensemble des études péripatétiques de l'école d'Alexandrie. L'histoire littéraire n'offre peut-être pas l'exemple d'un homme dont le caractère ait été plus altéré par la renommée, par le manque de critique et l'éloignement des temps. Resté seul en vue comme représentant de la philosophie arabe, Ibn Rushd eut la fortune des derniers venus, et passa pour l'inventeur des doctrines qu'il n'avait guère fait qu'exposer d'une manière plus complète que ses devanciers. Ce n'est pas que la doctrine d'Ibn Rushd, envisagée en elle-même, manque d'originalité, bien qu'Ibn Rushd n'ait jamais aspiré à une autre gloire qu'à celle de commentateur, cette apparente modestie ne doit pas nous faire illusion, l'esprit humain sait toujours revendiquer son indépendance. Enchaînez-le à un texte, il saura retrouver sa liberté dans l'interprétation de ce texte. Il le faussera plutôt que de renoncer au plus inaliénable de ses droits, l'exercice individuel de la pensée. Sous prétexte de commenter Aristote, les Arabes, comme les scolastiques, ont su se créer une philosophie pleine d'éléments propres, et très différente assurément de celle qui s'enseignait au lycée. Mais cette originalité n'est pas avouée, aux yeux d'Ibn Rushd, la science philosophique est achevée, il ne reste plus qu'à en faciliter l'acquisition. On ne doit pas d'ailleurs se faire illusion sur l'importance qu'ont eu chez les Arabes les hommes spécialement appelés philosophes. La philosophie n'a été qu'un épisode dans l'histoire de l'esprit arabe. Le véritable mouvement philosophique de l'islamisme doit se chercher dans l'essai théologique, Qadarit, Jabarit, Sifatit, Mutazilit, Batenien, Talimit, Askarit, et surtout dans le Kalam. Or les musulmans n'ont jamais donné à cet ordre de discussion le nom de philosophie, filsafet. Ce nom ne désigne pas chez eux la recherche de la vérité en général, mais une secte, une école particulière, la philosophie grecque et ceux qui l'étudient. Quand on fera l'histoire de la pensée arabe, il sera très important de ne pas se laisser égarer par cet équivoque. Ce qu'on appelle philosophie arabe n'est qu'une section assez restreinte du mouvement philosophique dans l'islamisme, à tel point que les musulmans eux-mêmes en ignoraient presque l'existence. Ghazali donne comme une preuve de la curiosité de son esprit, d'avoir voulu connaître cette rareté. Je n'ai vu, dit-il, aucun docteur qui ait donné quelques soins à cette étude. Autant les Arabes ont imprimé un caractère national à leur création religieuse, à leur poésie, à leur architecture, à leur secte théologique, autant ils ont montré peu d'originalité dans leur tentative de continuer la philosophie grecque. Disons plutôt que ce n'est que par une très décevante équivoque que l'on applique le nom de philosophie arabe à un ensemble de travaux entrepris, par réaction contre l'arabisme, dans les parties de l'Empire musulman les plus éloignées de la péninsule, Samarcande, Bokhara, Cordoue, Maroc. Cette philosophie est écrite en arabe, parce que cet idiome était devenu la langue savante et sacrée de tous les pays musulmans, voilà tout. Le véritable génie arabe, caractérisé par la poésie des Qasidas et l'éloquence du Coran, était absolument antipathique à la philosophie grecque. Renfermé, comme tous les peuples sémitiques, dans le cercle étroit du lyrisme et du prophétisme, les habitants de la péninsule arabique n'ont jamais eu la moindre idée de ce qui peut s'appeler science ou rationalisme. C'est lorsque l'esprit persan, représenté par la dynastie des Abbasides, l'emporte sur l'esprit arabe, que la philosophie grecque pénètre dans l'islam. Quoique subjuguée par une religion sémitique, la Perse sut toujours maintenir ses droits de nation indo-européenne, en attendant qu'elle reconstruisît dans sa propre langue son épopée et sa mythologie. Elle troublait déjà l'islam par des tentatives qui au premier siècle de l'Égire, n'eussent provoqué que le scandale ou le dédain. Aussi est-ce à Bagdad, la ville abbasite par excellence, qu'est le centre de ce mouvement nouveau. Ce sont des Syriens chrétiens et des affiliés du magisme, qui en sont les instigateurs et les instruments. C'est un calife, représentant éminent et passionné de la réaction persane, Al-Mamoun, qui y préside. Élevé par les Barmékides, qui passaient pour attachés à l'ancienne doctrine de Zoroastre, on le voit toute sa vie rechercher curieusement en dehors de l'islamisme les enseignements rationalistes de l'Inde, de la Perse, de la Grèce. Les origines de la philosophie arabe se rattachent ainsi à une opposition contre l'islam, et voilà pourquoi la philosophie est toujours restée chez les musulmans une intrusion étrangère. Un essai avorté et sans conséquence pour l'éducation intellectuelle des peuples de l'Orient. Si l'on compare la doctrine contenue dans les écrits d'Ibn Rushd avec celle d'Aristote, on reconnaît du premier coup les graves altérations qu'a subi le péripatétisme entre ces deux termes extrêmes. Mais si l'on veut déterminer le point où s'est introduit l'élément nouveau, qui d'une philosophie en a fait une autre, la question devient fort délicate. Les théories d'Ibn Rushd ne diffèrent par aucun caractère essentiel de celles d'Ibn Bajjah et d'Ibn Tofaïl, qui ne font de leur côté que continuer, en Espagne, la série d'études qu'Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Kindi avait fondée en Orient. Al-Kindi lui-même, qu'on envisage d'ordinaire comme le fondateur de la philosophie arabe, ne paraît avoir aucun droit au titre de créateur. Sa doctrine n'est qu'un écho de celle des Syriens, qui se rattachent eux-mêmes directement aux commentateurs grecs d'Alexandrie. Entre ceux-ci et Alexandre d'Aphrodisias, entre ce dernier et Théophraste, il n'y a aucune innovation instantanée. On peut dire cependant que l'origine de la philosophie arabe, aussi bien que de la scolastique, doit être cherchée dans le mouvement qui porte la seconde génération de l'école d'Alexandrie vers le péripatétisme. Porphyre est déjà plutôt péripatéticien que platonicien, et ce n'est pas sans raison que l'Orient et le Moyen-Âge l'ont envisagé comme l'introducteur nécessaire à l'encyclopédie philosophique. Porphyre a posé la première pierre de la philosophie arabe et de la philosophie scolastique. Maxime, le maître de Julien, Proclus, Damasius sont presque des péripatéticiens. Dans l'école d'Ammonius, fils d'Hermias, Aristote prend définitivement la première place des possèdes Platon. Les commentateurs Thémistius, Syrianus, David l'Arménien, Simplicius, Jean Philopon signalent l'avènement du péripatétisme à la domination universelle. Là est le moment décisif où l'autorité philosophique se constitue pour plus de 10 siècles. C'est sur ce prolongement péripatétique de l'école d'Alexandrie qu'il faut chercher le point de jonction de la philosophie arabe avec la philosophie grecque. Les raisons que l'on donne ordinairement de la préférence accordée par les Arabes à Aristote sont plus spécieuses que réelles. Il n'y a pas eu de préférence, car il n'y a pas eu de choix réfléchi. Confère Vachereau. Les Arabes ont accepté la culture grecque telle qu'elle leur est arrivée. Les livres qui expriment le plus exactement cette transition sont l'Apocryphe théologie d'Aristote, que l'on pourrait croire composé par un arabe, et le livre d'Écosis, dont le caractère indécis a tenu en suspens toute la scolastique. La philosophie arabe conserva toujours l'empreinte de cette origine, l'influence des Alexandrins s'y retrouve à chaque pas. Quoique Plotin soit resté inconnu aux musulmans, rien ne ressemble plus à la doctrine des Énéates que telle page d'Ibn Bajjah, d'Ibn Rosh, d'Ibn Jebirol, Avicebron. Il est vrai que des influences venues de l'Orient purent se combiner avec celles d'Alexandrie, on ne peut douter que le soufisme, qu'on le tienne pour originaire de la Perse ou de l'Inde, n'ait eu sa part dans la formation des théories de l'union avec l'intellect actif et de l'absorption finale. Il y a loin assurément du sectaire hindou au philosophe arabe, mais c'est le propre du mysticisme de confiner en même temps à la philosophie et au fidéisme, et de prêter la main tantôt au rationalisme le plus absolu, tantôt à la superstition la plus intempérante. Ainsi la philosophie arabe nous apparaît, dès ses premières manifestations, douée de tous ses caractères essentiels. Les titres, qui seuls nous restent, des ouvrages d'Al-Kindi, 9e siècle, relatifs à l'intellect suffisent pour prouver qu'il professait déjà, sur ce point fondamental, les théories qui, plus tard, ont pris dans l'école une si grande importance. Chez Al-Farabi, 10e siècle, ces doctrines sont déjà presque aussi développées que dans les écrits d'Ibn Rosh. Les théories mystiques que bientôt Ibn Bajjah exposera dans son Régime du solitaire se retrouvent tout entières dans Al-Farabi. La fin de l'homme est d'entrer dans une union de plus en plus étroite avec la raison, l'intellect actif. L'homme est prophète dès que tout voile est tombé entre lui et cet intellect. Une telle félicité ne peut s'atteindre que dans cette vie, l'homme parfait trouve ici bas sa récompense dans sa perfection, tout ce qu'on dit être au-delà n'est que fable. Mais c'est dans Ibn Sina, Avicenne, qu'il faut chercher l'expression la plus complète de la philosophie arabe. Dieu étant l'unité absolue, ne peut avoir d'action immédiate sur le monde. Il n'entre point dans le courant des choses particulières, centre de la roue, il laisse la périphérie rouler à sa guise. La perfection de l'âme rationnelle est de devenir le miroir de l'univers. Elle y arrive par la purification intérieure et par la perfection morale, qui prépare le vase où doit se répandre l'intellect divin. Il est pourtant des hommes qui n'ont besoin ni de l'étude ni de l'ascétisme pour recevoir l'illumination de l'intellect. Ces favoris de Dieu sont les prophètes. En général, Ibn Sina paraît philosopher avec une certaine sobriété. Ibn Rushd lui reproche amèrement de ne pas savoir prendre un parti, et de tenir toujours le milieu entre les théologiens et les philosophes. Il admet que la personnalité humaine se conserve après la mort, et il cherche à s'arrêter sur la voie du panthéisme, en mettant le monde dans la catégorie du possible. Cette distinction du possible et du nécessaire est le fond de la théorie d'Ibn Sina, et la base sur laquelle il cherche à établir la personnalité divine. Ibn Rushd ajoute toutefois que, suivant d'autres, Ibn Sina n'admettait l'existence d'aucune substance séparée, et que sa vraie opinion sur Dieu et l'éternité du monde devait être cherchée dans la philosophie orientale, où il identifiait Dieu avec l'univers. C'est surtout contre Ibn Sina que Ghazali dirigea sa destruction des philosophes. Ghazali est, sans contredit, l'esprit le plus original de l'école arabe. Il nous a laissé, dans un curieux livre, ses confessions philosophiques, et le récit de son voyage à travers les différents systèmes de son temps. Aucun système ne l'ayant satisfait, il conclut au scepticisme, le scepticisme n'ayant pu le retenir, il se précipite dans l'ascèse, et demande aux danses mystiques des soufis l'étourdissement de sa pensée. Arrivé là, il s'arrête dans la mort et l'anéantissement. Ceux qui, après avoir philosophé, embrassent le mysticisme en désespoir de cause, sont d'ordinaire les ennemis les plus intolérants de la philosophie. Ghazali, devenu soufi, entreprit de prouver l'impuissance radicale de la raison, et, par une manœuvre qui a toujours séduit les esprits plus ardents que sages, de fonder la religion sur le scepticisme. Il déploya dans cette lutte une perspicacité d'esprit vraiment étonnante. C'est surtout par la critique du principe de cause qu'il ouvrit son attaque contre le rationalisme. Hume n'a rien dit de plus. Nous ne percevons que la simultanéité, jamais la causalité. La causalité n'est autre chose que la volonté de Dieu faisant que deux choses se suivent ordinairement. Les lois de la nature n'existent pas, ou n'expriment qu'un fait habituel, Dieu seul est immuable. C'était, on le voit, la négation de toute science. Ghazali fut un de ces esprits bizarres qui n'embrassent la religion que comme une manière de narguer la raison. Des bruits défavorables coururent, du reste, sur la droiture de ses sentiments. Ibn Rushd prétend qu'il attaqua la philosophie pour complaire aux théologiens, et écarter les soupçons qui s'étaient élevés contre son orthodoxie. Moïse de Narbonne nous apprend qu'il avait composé pour ses amis un petit écrit secret où il donnait la solution des objections qu'il avait présentées au public comme insolubles. Cet écrit s'est en effet retrouvé en hébreu à la bibliothèque de l'Eid. Ibn Tofeil relève ses perpétuelles contradictions, et prouve avec évidence qu'il avait composé des ouvrages ésotériques, où il professait des doctrines fort différentes de celles qu'il jetait aux vulgaires. « Accepte ce que tu vois, disait-il, et laisse là ce que tu as entendu, lorsque le soleil se lève, il te dispense de contempler Saturne. » Ghazali exerça une influence décisive sur la philosophie arabe. Ses attaques produisirent l'effet ordinaire des contradictions, et introduisirent dans l'opinion des adversaires une précision jusque-là inconnue. Ibn Bajjah, avant-passe, fut le premier qui s'efforça de réhabiliter contre lui l'autorité de la raison. Ghazali avait humilié la science, et prétendu que l'homme n'arrive à la perfection qu'en renonçant à l'exercice de ses facultés rationnelles. Ibn Bajjah, dans son célèbre traité du régime du solitaire, essaya de prouver que c'est par la science et le développement successif de ses facultés que l'homme arrive à s'identifier avec l'intellect actif. Il joignait à cette théorie psychologique une théorie politique, une sorte d'utopie ou de modèle idéal de société où l'homme arriverait sans effort à l'identification. Le triomphe de l'âme rationnelle sur la partie animale est le but des efforts de la vie morale. L'acte de l'intelligence s'opère par les formes intelligibles qui arrivent à l'intellect matériel ou passif, là, elles reçoivent de l'intellect actif la forme et la réalité. Quand l'homme, par l'étude et la spéculation, est arrivé à la pleine possession de sa conscience, alors c'est l'intellect acquis, le cercle de l'évolution humaine est achevé, et l'homme n'a plus qu'à mourir. Ce rationalisme élevé est aussi le fond de la doctrine d'Ibn Tofaïl, l'Aboubakr des scolastiques. Son roman de Ibn Yogdan, sorte de Robinson psychologique, publié par Pocock, sous le titre de Philosophus autodidactus, a pour objet de montrer comment les facultés humaines arrivent par leur propre force à l'ordre surnaturel et à l'union avec Dieu. L'autodidacte est un péripatéticien mystique à la manière alexandrine. Il y a tel passage qui semble littéralement traduit de Jean Blic. De tout le monument de la philosophie arabe, c'est peut-être le seul qui puisse nous offrir plus qu'un intérêt historique. De là sa fortune singulière, traduit en anglais, en hollandais, en allemand, le Ibn Yogdan s'est vu adopté par les Quakers comme un livre d'édification. Ainsi la philosophie, épuisée en Orient, reprend un nouvel éclat dans l'Espagne musulmane par Ibn Bajjah Ibn Tofaïl, mais en même temps s'y emprunte d'une teinte beaucoup plus prononcée de mysticisme. Avant ces grands hommes, d'ailleurs, le panthéisme péripatétique avait eu en Espagne un illustre représentant, dont l'existence était restée une énigme, et pour les scolastiques qui le citent à chaque page, et pour la critique moderne qui, jusqu'à ces dernières années, n'avait pu réussir à le tirer du mystère. Monsieur Mack a rendu un éminent service à l'histoire de l'esprit humain, en démontrant que cet avis Sebron, qui a joué un si grand rôle dans la philosophie chrétienne du Moyen-Âge, n'était autre que le juif Salomon Benjebirol, de Malaga, renommé dans la synagogue comme hymnographe, et surtout en découvrant, à la bibliothèque impériale la traduction hébraïque et la traduction latine de la source de vie. Mais Ibn Jebirol ne paraît avoir exercé aucune influence sur la philosophie arabe de son temps, ni même sur celle de ses coreligionnaires.